Chapitre 12e. Un trop bel alibi. En effet, presque en même temps, les deux frères sortaient de leur lourd sommeil. Tout comme le veilleur de nuit, ils manifestèrent un étonnement extrême de se trouver étendus sur ces lits, dans une pièce qu'ils ne connaissaient pas. Ils montrèrent la plus grande anxiété en voyant ceux qui, à leur chevet, guettaient leur réveil. Monsieur Urbain, le chef de la sûreté, Paulin Broquet. Ils se dressèrent vivement, s'écriant effarés. Qu'y a-t-il? Où sommes-nous? Que nous votons? Doucement, les magistrats les calmèrent et parvinrent promptement à les rassurer, à dissiper leurs alarmes. Sans perdre de temps, leur interrogatoire commença. D'ailleurs, Robert et Raoul, ayant recouvré maintenant tout leur sens, toute leur présence d'esprit, toute leur mémoire, ne demandaient qu'à parler, qu'à révéler ce qu'ils savaient de cette étrange aventure. Raoul prit la parole. « Nous n'avons l'intention, ni mon frère ni moi, dit-il, de nous dérober, de vous cacher la vérité. Nous acceptons toutes les responsabilités d'un acte que nous avons accompli après en avoir longuement pesé les conséquences. Et nous remettons, messieurs, notre honneur entre vos mains. Nous nous confions à votre loyauté. C'est ainsi que nous l'entendons, parler sans crainte. Mon frère et moi, messieurs, nous estimons qu'il est de notre devoir, pour l'honneur de notre famille, pour la mémoire de notre père, pour la sécurité des nôtres, de connaître le document qui tua, c'est le mot, qui tua le banquier Montreuil. » Les magistrats écoutaient avec le plus grand intérêt. Les paroles du jeune avocat venaient admirablement corroborer l'opinion émise quelques instants plus tôt par le détective. Raoul poursuivit. Il dit au magistrat qu'il avait fait, avec son frère, le serment de rechercher cette pièce et d'arriver à en prendre connaissance, même en employant les moyens extrêmes, si cela était nécessaire, même ceux que la loi qualifie de criminels. Donc, s'étant habillé comme on le voyait, après minuit, il s'était rendu à l'étude de maître Béjanet. « Ah ! » fit le chef de la sûreté. « C'est maintenant qu'il faut bien faire appel à vos souvenirs. » Raoul fit au magistrat le récit de leur entrée dans l'étude. Il leur dit qu'ils avaient trouvé le veilleur de nuit dormant d'un sommeil profond, ronflant formidablement. « Comment ? Il dormait si profondément que cela ?» insista le chef de la sûreté. Raoul ajouta que lui et son frère avaient été frappés par une odeur acidulée, qu'ils prirent pour une senteur de rhum que le veilleur aurait bu, ou de remède dont il aurait frotté ses rhumatismes. Le jeune avocat, continuant son récit, retraça son étonnement, celui de son frère en poussant la porte du bureau du notaire, et en apercevant dans ce bureau, devant le coffre-fort ouvert, trois hommes s'éclairant avec des lampes à verre bleu et fouillant dans les paperasses. « Vous avez vu leurs visages, vous les reconnaîtriez ?»« Un, tout au moins, un seul. Et cela nous suffirait à Robert et à moi. Nous en avons reconnu un, messieurs. Oh, nous l'avons bien reconnu, celui-là. Car en même temps, mon frère et moi, nous nous sommes ardemment élancés sur lui en criant son nom. Quel est son nom ? Le comte de la Guérinière. » En entendant ce nom, Paulin Broquet ne broncha pas. Il se contenta de sourire. Mais il n'en fut pas de même des autres magistrats. Le juge d'instruction et le chef de la sûreté tressaillirent. « Le comte de la Guérinière ? » s'écrièrent-ils. « Vous êtes certain ? Vous ne vous trompez pas ? Vous n'êtes pas abusé par une ressemblance ? » ?»« Non, messieurs, » s'écrièrent les deux frères. « Nous avons parfaitement reconnu, et de façon indiscutable, le comte de la Guérinière. » Ensuite, « Ici, messieurs, je ne puis plus rien vous dire. Moi non plus, » dit Robert. « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'au moment où, comme mon frère, je m'élançais sur le comte de la Guérinière, j'ai été arrêté. On s'est emparé de moi. »« De moi également, » déclara Robert. « On m'a jeté sur la tête un voile, un capuchon, un sac rempli de coton qui étouffa mes cris. »« Comme pour moi, » dit Robert. « J'ai voulu me débattre, mais on me maintenait, et presque aussitôt, j'ai senti que sur mon front, on brisait quelque chose, une ampoule de verre, puis un froid très vif, a rempli d'un coup le sac dans lequel ma tête était emprisonnée. J'ai eu conscience, cependant que j'étais enveloppé de vapeur de chloroforme. Alors, après une dernière tentative de lutte, j'ai perdu connaissance. C'est tout ce que je puis vous dire. « Je n'ai rien ajouté au récit de mon frère, » déclara Robert. « Ce qu'il vient de vous faire connaître est absolument ce que j'ai éprouvé. » Il y eut un moment de silence. Puis, le juge d'instruction demanda « Vous êtes sûr, messieurs, que votre mémoire n'oublie rien ?»« Non, monsieur le juge, c'est tout, c'est la vérité. »« Vous n'avez pas été forcé de lutter avec le veilleur de nuit ?»« Oh non, Pour cela, non. Nous en sommes convaincus, n'est-ce pas, Robert ? Le chef de la sûreté demanda encore. Et vous affirmez toujours avoir reconnu le comte de la Guérinière ? Oui, monsieur, nous le jurons, c'était lui, lui. Le chef de la sûreté dit alors. Nous enregistrons votre déclaration, messieurs. Cependant, je crois de mon devoir de vous faire une révélation. Nous vous écoutons. Le comte de la Guérinière a passé toute la soirée au théâtre, au Lutetia, où se jouait une revue dans laquelle sa maîtresse, Lucette Minois, tenait le rôle de la commère. « Mais après minuit, » fit Raoul, « il a pu... » Le Lutetia est au boulevard Montmartre. L'étude de maître Bégenet se trouve rue Notre-Dame-des-Victoires, par conséquent, tout près. Le comte de la Guérinière a pu facilement faire un bond et en quelques secondes venir. C'est vrai. Mais après le théâtre, le comte de la Guérinière a emmené ses amis, sa maîtresse et quelques jolis interprètes de la revue souper dans un restaurant de nuit près de la Madeleine. Pendant le souper, il a pu s'absenter. Il n'a pas quitté un seul instant le souper qui fut joyeux, au cours duquel il s'est montré d'une verve étourdissante. Le chef de la sûreté déclara « Là-dessus, mes renseignements sont précis. Un des hommes de Paulin Broquet servait le souper, et il y avait comme convive un négociant de province, M. Sandron, dont Paulin Broquet répond comme de lui-même. Il ajouta « Après le souper, par conséquent ce matin, il y a quelques heures à peine, le comte de la Guérinière emmena sa bande joyeuse de fêtards au bois, en automobile. J'ai sur mon bureau un rapport qui en fait foi. Il a renversé, en outre, pour corser la petite fête, la voiture à bras d'une vieille marchande de légumes. J'ai le procès-verbal dressé par deux agents et le récit fait par M. Sandron qui se trouvait dans l'automobile de l'amphitryon. Donc, messieurs, heure par heure, nous connaissons l'emploi du temps du comte de la Guérinière durant cette nuit. L'alibi, déclara Raoul gravement, est parfaitement établi. Oh, absolument. Le jeune avocat s'écria alors. Ne trouvez-vous pas, messieurs, que cet alibi est même trop parfaitement établi ? Cette question causa une profonde impression chez les magistrats. Raoul, en la formulant, exprimait tout haut ce que sans doute chacun pensait tout bas, ce que nul n'osait, ne devait dire. Le juge d'instruction, le chef de la sûreté, tournèrent leur regard vers Paulin Broquet. Le détective n'avait pas bougé. Il écoutait et ne laissait rien percevoir de ses sentiments. Rien au monde n'aurait pu modifier son attitude, l'arracher à son impassibilité. Il écoutait. Mais les deux frères, énergiquement, une dernière fois, s'écrièrent « Quoi qu'il en soit, messieurs, et aussi fortes que puissent être les preuves recueillies par vous, et vous disant le contraire de ce que nous révélons, nous maintenons absolument et entièrement notre déclaration, notre affirmation. C'est bien le comte de la Guérinière que nous avons trouvé dans le bureau de maître Béjanet. » Le juge d'instruction se tourna vers Paulin Broquet. « Que pensez-vous de cela ? » lui demanda-t-il. « Je pense, » répondit gravement le détective, « que nous avons affaire à des gens plus forts que nous ne le supposions. Je vois qu'avec ces aides, nous marcherons de surprise en surprise. Et je constate que mon ami Sandron, le négociant de province, a été roulé. Comment cela ? » ?»« Si messieurs Montreuil ont bien reconnu leur comte de la Guérinière, mon ami Sandron est aussi certain du sien. Or, pendant que mon ami Sandron faisait la fête avec son comte de la Guérinière, ce même comte de la Guérinière, à la même heure, buvait du champagne dans un restaurant de nuit près de la Madeleine et dévalisait un coffre-fort de notaire rue Notre-Dame-des-Victoires. C'est très fort, très fort. » Cette déclaration de Paulin Broquet causa une forte émotion. Chacun sentait que ce drame devenait de plus en plus mystérieux. Le juge d'instruction prit peu après la parole. « Vous affirmez également, messieurs, n'avoir pas eu à lutter contre le veilleur de nuit. Nous l'affirmons. Bien. Je dois vous dire, dans ce cas, qu'on vous a ramassé tous deux évanouis et blessés dans le bureau de maître Béjanet, et qu'auprès de vous se trouvait le veilleur de nuit grièvement blessé d'un coup de poignard. » Le juge d'instruction mit alors un poignard sous les yeux des deux frères. « Connaissez-vous cette arme ? » demanda-t-il. Raoul s'écria. « Oui, cette arme est à moi. J'ai aussi le même poignard. Celui-ci est à moi, mon chiffre est gravé sur la poignée. Voyez, J.R.M. Jean-Raoul Montreuil. » « Parfait. Comment avez-vous cette arme ? » ?»« On l'a trouvée dans le bureau de maître Béjanet. » Raoul bondit. « Ce poignard ? Ce poignard ? Oh, c'est impossible ! Impossible ! Cette arme est à moi. Mon frère a la pareille. mais ce poignard était accroché dans une panoplie, dans ma chambre. Nous n'avons pas pris d'armes, Robert et moi. Je n'ai pas emporté ce poignard. Je n'ai donc pas pu le perdre chez Maître Béjanet. Je vous répète que je n'avais pas d'armes sur moi hier. Cette arme est à moi, je l'atteste, mais elle était hier accrochée dans ma chambre et je ne l'ai pas emportée. Cependant, déclara le juge d'instruction, le poignard n'est pas venu tout seul chez Maître Béjanet. Il a fallu que quelqu'un l'y portât et s'en servît. On s'en est servi. C'est avec ce poignard, avec votre poignard, que le veilleur de nuit a été assassiné.